Numéro 29. Les boissons. 飲み物. L'eau. お水. L'eau gazeuse. 炭酸水. Le jus de fruits. Juice. Le jus d'orange. Orange juice. Sans glaçon. Kōri nashi. Avec des glaçons, s'il vous plaît. Kōri kudasai. Le vin. Wine. La bière. Bire. La bière à la pression. Nama bire. Le café. Coffee. Le lait. Gyūnyū. Le café au lait. Café au lait. Le thé. Kōcha. Le thé au lait. Milk tea. Le thé au citron. Lemon tea. Le chocolat chaud. Cocoa. L'alcool japonais. Nihonshu.